France Inter. .fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. François Ier donna le comté et la ville à sa favorite Anne de Pisseleu, dont le mari, complaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, fut créé duc d'Étampes, puisque c'est d'Étampes dont il s'agit aujourd'hui, en l'an 1536. Mmh. Cependant, le bel hôtel, qu'on appelle maison d'Anne de Pisseleu, eh bien, n'hébergea jamais cette duchesse, figure-toi, Margaret. Henri II, en montant sur le trône, enleva ce titre à la maîtresse de son père et l'attribua à sa propre favorite, Diane de Poitiers. Oui, c'était comme ça à l'époque. Mais l'hôtel dit de Diane de Poitiers ne fut pas davantage la résidence de cette deuxième duchesse d'Étampes, décidément. Et ce fut ensuite la famille de Vendôme qui reçut Étampes en héritage de Gabrielle d'Estrées, favorite d'Henri IV, cette fois. Charles Quint aurait dit d'Étampes, c'est une belle rue. Mmh. Alors, Philippe ? Oui ? Non, pas toi. Il y a un autre Philippe dans ma vie aujourd'hui. Ah, d'accord. Et comment je dois le prendre ? Bien. Oh, c'est notre auditeur qui s'appelle Philippe. Alors, Philippe, Charles Quint avait-il raison ? Étampes est une belle rue ? Eh bien, je n'y suis jamais allé. Mais pas toi. Oh, je parle à Philippe d'Étampes. Philippe numéro 2. Bonjour Margaret. Bonjour Philippe. Docteur. Bonjour. Bonjour. Oui, enfin, il n'y a pas qu'une seule rue, hein, heureusement. Ouais. C'est bien, Étampes ? Oui, c'est tranquille. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Bon, ça me dit trop rien, moi. C'est le nom, je crois. Ça fait un petit peu étang, et serviette mouillée, oubliée dans le sac de sport. Ouais. Ou bouton de moustique, pile sur la cheville. Ouais. Ou alors comme une mycose entre les doigts, tous les trucs de gratouille, un truc d'humidité, en fait. Mmh. Hein. Vous êtes bien là-bas, alors ? Je pense que le climat est quand même plus sain qu'à Paris. On peut pas vous dire, on vit dans les Yvelines, nous. Ah bon ? Oui. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Philippe, numéro 2 ? Bah écoutez, c'est un problème qui s'adresse peut-être plus à la psychothérapeute, même si ça a des répercussions physiques. Oui, bah alors ça laissez-nous juger par nous-mêmes, hein, Philippe numéro 2. Voilà, ma fille de 3 ans a perdu son doudou. Ah, elle l'a perdu où ? Ben je sais pas, je pense qu'elle l'a laissé dans le train. Laissé. Donc, vous et votre subconscient êtes tous deux d'accord pour dire qu'elle a fait exprès. Hein. Ça s'appelle, dans notre jargon, un acte raté. Hein. Et un acte manqué, oui, peut-être. Et non, pas peut-être, puisqu'on vous le dit, Philippe numéro 2. Bon, en fait, elle croyait qu'elle l'avait dans son petit sac, et une fois à la maison, elle s'est rendue compte que non. D'accord. Un petit sac, comment ? Un petit sac à main de petite fille qui vient d'un déguisement, elle le garde pour faire la grande. Ouais, alors attention, hein, quand même, le sac à main de petite fille a vite fait de tournoyer au bout d'un bras, au-dessus d'une jupe trop courte dans un bois mal fréquenté. Et puis... Et puis quoi ? Eh ben, voilà. Non, je dis juste qu'il faut faire attention à l'hypersexualisation des enfants. Elle n'a pas des paillettes et des fossiles, enfin. Non, mais bien sûr, hein, Philippe numéro 2. Juste, alors, je ferme ma mouche du coche. Le décès de la maman remonte à quand exactement ? Quoi ? Ah, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein ? Ma femme est vivante. C'est intéressant. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu le sentiment qu'elle était morte ? Ah ben je sais pas. Alors pourquoi c'est pas la maman qui a appelé ? Elle n'est pas avec nous là. D'accord. Et votre fille arrive souvent à éloigner sa mère de vous comme ça ? Je vois pas où vous voulez en venir. Mais écoutez, le doudou est un objet transitionnel hein, qui est censé maintenir le contact avec sa mère, même pendant son absence. Or, en perdant son doudou, elle perd sa mère. Elle la tue. Oui, ben, bof. Non, monsieur, pas bof. Et est-ce que vous savez si elle a déjà essayé de mettre ses petits pieds dans les chaussures à talons de sa maman vivante, hein, donc ? Ben oui, toutes les petites filles font ça. Toutes celles qui ont des mamans qui ont des talons. mais je vois pas le rapport avec le doudou. Et non. Avez-vous déjà vu Rosemary's Baby? Oui. Avez-vous déjà vu Jeune femme partagerait appartement? Oui, oui, c'est l'histoire d'une femme qui veut voler l'identité d'une autre. Eh oui. Et Carrie? Oui. Vous avez vu Big Mama? Non. Et le Zinzin d'Hollywood, avec Jerry Lewis? Et Capital? Capital? Oui, le dimanche, sur M6. Oui, oui, ça m'arrive. Et le vent soufflera encore après la fin du monde? Je crois, oui, ça me dit vaguement quelque chose, mais je vois pas le rapport. Oui, mais ça m'étonnerait parce que je viens de l'inventer. Eh ben alors, Philippe numéro 2? Écoutez, je comprends pas, là, je suis un peu perdu. J'appelle juste parce que ma fille a perdu son doudou. Oui, oui, oui, mais on cherche, on cherche. On cherche, on cherche. Écoutez, en tout cas, on va pas dramatiser. Vous avez raison, c'est juste un petit bout de chou de 3 ans qui a perdu son doudou, après tout. Mais bon, faites attention, à mon avis, elle est maléfique. Bon. Hey, c'est dur, hein, parfois, d'entendre la vérité. Mais souvenons-nous que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'au commencement, eh bien, le diable était un ange. Oula. Eh bien, merci à nos auditeurs, toujours plus fidèles, nous dit-on, et nombreux. Et merci à vous d'avoir écouté Coûte que coûte. Merci à Yann Chouquet pour votre mise en onde. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, Coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.